Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Ma vie, je suis le pilote, je veux en dessiner les courbes à la manière d'un boxeur, je veux anticiper les coups, renvoyer du collège, beaucoup trop dissipé en cours. La vie m'a asphyxié et je ressens un souffle au cœur. J'aimerais me sentir libre dans la foule comme un rocker. Et je suis seul dans mon délire, je vous regarde tous d'un air moqueur. Certains disent que le rap est mort, c'est pas ma faute, moi j'évolue. J'ai proposé aux autres me suivre, mais ces cons-là n'ont pas voulu. L'âge d'or du rap, il est bien mort, oui, cette époque est révolue. H24 défoncé, oui je vis entre deux mondes. Qu'est-ce qu'on fout sur cette terre, pourtant parfois je me demande. Avoir les jours passés, rester statique comme en attente. Attiré par l'argent et la drogue qui nous tente. En 2011, le gaz du siècle, ça y est j'appuie sur la détente. La pression et l'attente. Le temps passe, illogique, vient de passer mes 20 ans. Et oui putain je suis nostalgique quand je repense au bon vieux temps. Tellement plus tragique, j'ai pas pu changer à temps. Putain ce serait magique si je pouvais revenir dans le temps. Le jour de mes 14 ans, transformer le passé en présent. Revenir en arrière, devenir un adolescent. Poser mon cul, votre sang pour une canette avec Vincent. Effacer tous ces moments où j'ai fait couler du sang.